La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine, troisième épisode. Après son divorce avec Vassili, qui refuse d'admettre qu'il est le père de l'enfant qu'elle attend, Théodora retourne vivre dans sa famille. Elle donne naissance à une petite fille, Carmen. Les meurtres et les exactions envers les Tziganes s'intensifient. Le campement de la famille de Théodora et d'autres familles est investi par des policiers qui pillent et brûlent leurs richesses. Un matin, un enfant, Naoum, se présente à Théodora. Il est perdu, il a 7 ans, elle l'adopte. Quelques mois plus tard, les déportations sont massivement planifiées et organisées. Carmen, l'enfant de Théodora, meurt quelques jours après leur arrivée dans le camp. Théodora et Naoum survivent à la déportation. Les familles, quand elles peuvent se reconstituer, recensent leurs disparus. Chacun découvre un pays de décombre et de désolation. Quelques tziganes se convertissent à la religion dominante, renoncent à leurs racines pour vivre en paix avec la majorité. Aladine, où a-t-il vécu après ton mariage? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas quitté le pays. Il ne s'est pas embarqué sur un bateau, comme on l'a prétendu. Il est allé à la capitale pour rejoindre un mouvement politique interdit. Aladine et ses compagnons se rendaient dans des villages. Ils parlaient avec des paysans, des bûcherons, avec des ouvriers, avec des instituteurs. Ils voulaient leur rendre une dignité. J'aurais aimé l'accompagner durant ces années. Si mon père ne m'avait pas mariée, je crois que j'aurais fait comme lui. Naoum, Aladine et moi, nous sommes restés ensemble. Aladine ne pesait pas le poids d'un sac de sable. Et il entretenait une obsession. Retrouver la souplesse de ses mains pour pouvoir caresser à nouveau les claviers d'un accordéon. Il confectionnait des claviers en carton. Il s'imposait des exercices quotidiens pour retrouver la dextérité des doigts. Il a appris à lire et à écrire à Naoum. Et il lui a fait découvrir la musique. Naoum n'avait pas de souvenirs. Il ne pouvait pas dire où il habitait avant la guerre, ni ce que faisaient ses parents. Aladine est restée affaiblie très longtemps. Et moi, je consacrais des heures à chercher la nourriture la meilleure. Je volais de la viande, des fruits, des légumes, du lait, parce que les rations distribuées ne suffisaient pas. Un nouveau régime dirige le pays. Les frontières sont fermées. Théodora, Aladine et Naoum partent à la capitale, où Aladine a le projet d'ouvrir une école de musique. Dans les rues, Théodora, Aladine et Naoum rejoignent le pullulement des foules miséreuses. La faim règne. Je me noie dans cette ville, Aladine. Je refuse de vivre comme avant les déportations, comme on m'a enseigné qu'il fallait vivre. Je veux découvrir d'autres lieux. Je veux enseigner aux enfants, leur donner le goût des mots. Tente l'aventure puisque tu le désires. Je t'attendrai. Il est trop tôt pour moi de supporter à nouveau l'incertitude des routes. Je pars seule, Aladine. Garde Naoum auprès de toi, veille sur lui. Il n'est ni mon enfant, ni le tien. Il est le nôtre. Théodora découvre d'autres villes détruites, des villages à peine remis de leurs cendres. La pauvreté est générale. Sans qualification, Théodora se présente dans une usine métallurgique nouvellement construite. Après 3 jours d'attente, bonjour. Une femme la reçoit dans un bureau. Bonjour mademoiselle, vous aviez rendez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je sais lire et écrire. Je désire apprendre un métier. Je me suis renseignée, je peux suivre une formation, j'y ai droit. Je ferai respecter mon droit. Un homme entre dans la pièce. Il regarde Théodora debout devant le bureau. Il pose un dossier. Toi ? Théodora le reconnaît. Elle a transporté en dehors de l'usine. Durant plusieurs jours, Théodora traîne dans les rues de la ville. Dans son sac, elle a maintenant un couteau. Elle sait où habite le milicien avec sa femme et leurs deux enfants. Théodora se présente devant la maison. Oui. Elle traverse la rue. Va-t'en. J'ai pas de travail pour toi. Qui est cette femme? Tu la connais? Théodora fait un pas encore. Très lentement. Elle ouvre son chemisier. Tu ne peux pas avoir oublié? Vos cris, vos armes, les cahiers dans les flammes, les instruments de musique dans les flammes, ta lanière en cuir, la jeune fille violée, les pleurs de ma petite fille Carmen, l'alcool que vous buviez, ton sourire. Que cherches-tu? Tu as peur? Je te fais peur. Mais dis-moi qui elle est. Que te vaut-elle? Accompagne les enfants à l'école, ce n'est rien. Tu vois, cette femme se trompe, elle est folle. T'as rien à faire ici. Je te ferai arrêter. Je te dénoncerai à la police. La main de Théodora serre le manche de son couteau. La lame entre dans son ventre. Elle ne pleure pas. Elle se souvient de l'enfant Carmen, d'Aladin, de Nahum. Elle voudrait mourir. Sans nouvelles de Théodora, Aladin et Nahum passent leur journée dans les rues de la grande ville. Il faudrait que tu penses à ton avenir, Nahum. Apprendre un métier. Demain, c'est demain. L'avenir, je n'y pense pas. C'est trop loin, l'avenir. Mais toi, il est temps que tu trouves un accordéon. Qu'importe l'argent, vole-le puisque tu ne peux pas le payer. Reprends-le puisqu'on te l'a pris. Tes mains ont retrouvé leur agilité, je le vois bien. Tu ne te plains pas, mais tu souffres. J'en ai assez de te voir dans cet état, bouge-toi. Nahum rencontre une troupe de danseurs, de danseuses, de femmes et d'hommes de cirque. Non, sur les doigts. Excusez-moi, monsieur Dame. Je dois trouver un accordéon pour mon père. Quelqu'un peut m'aider? Un accordéon. Les miliciens prussiens. Ils l'ont pris juste avant de le déporter. Ilan? Il est où, Ilan? Le soir même, Nahum dépose un accordéon sur le lit d'Aladin. Après des semaines d'approche patiente et dangereuse pour elle, la femme du milicien découvre l'endroit où Théodora a été enfermée après sa tentative de suicide. Un centre de rééducation par le travail où croupissent et s'entassent des femmes et des jeunes filles. Un soir, lorsque les enfants dorment, elle décide de parler à son mari. J'aurais vu la femme. Quelle femme? La femme en sein blessé, qui est venue un matin à la maison. Celle dont tu as osé dire qu'elle était folle. Je l'ai vue. Et je sais où elle était enfermée. Elle n'est pas folle. Pas folle du tout. Crois-tu qu'une femme se dénuderait le sein au grand jour comme elle l'a fait, sans la certitude de détenir une vérité? J'ai découvert ce que vous lui avez fait. Toi et les salauds qui t'entouraient. J'ai obtenu des preuves. Je veux divorcer. Je veux que tu t'en ailles. C'était il y a longtemps. Nous étions jeunes. Nous avons été enrôlés de force et nous avons obéi aux ordres. Vous n'avez aucun pouvoir, crois-moi. Voudrais-tu te faire passer pour une victime? Une victime d'une manipulation qui te dépassait? Victime de tes propres crimes? Cette femme, ne te craignez pas. J'en ai eu tout de suite l'intuition. Quand je l'ai vue devant toi, tu as fait partie des milices, des tueurs. J'ai trouvé des preuves. Et tu n'en as même pas honte. En as-tu seulement le regret? Tu m'as menti. menti, tu m'as trompé. Tes déclarations d'amour ne sont que des niaiseries, balivernes de bonimenteurs. Plus rien ne m'attache à toi. J'ai honte jusqu'à la culpabilité de t'avoir aimé. As-tu déjà réfléchi à nos enfants? Alors vis, quand ils apprendront la vérité, car inévitablement, ils le sauront. Je veux que tu disparaisses de ma vie. D'ailleurs, tu n'en fais plus partie depuis le matin où cette femme se montrait à moi, après s'être rappelée à toi. Tu t'es permis de l'insulter. Après ce que vous lui avez fait, à elle, à sa famille, à d'autres, comme bien d'autres. L'insulte. Belle et courageuse défense d'un pantin. Tu me juges pour les actions menées en temps de guerre, donc en temps d'exception. Ce n'était pas encore la guerre, mais un peu avant la guerre. Bon, l'important n'est pas là. Hein. Et la guerre ne permet pas tout, même si j'ai doute des lois de la guerre. Je ne discuterai pas de cela maintenant et surtout pas avec toi. Et crois-tu que je vois des circonstances atténuantes sous le prétexte que tu suivais des ordres crapuleux? Ta lâcheté est à la hauteur de tes actes scélérats. Combien sont-ils comme toi à mener une vie pépère? Une vie faite d'oubli de l'ignominie de vos crimes. Je n'étais pas resté. Tais-toi ! Tu ne t'es même pas perçu du dégoût que tu m'aspires. Crois-tu que j'aurais partagé une seconde de ta vie ? Crois-tu que j'aurais partagé ton lit si j'avais su ? Ta main droite a assassiné, ta gauche m'a caressé. Tu ne peux plus vivre à mes côtés. Pas une heure de plus. Prends tes affaires. Voilà ce que Théo écoutait sur lui, nos oiseaux. Voilà ce qu'elle regrettait de ne plus entendre. Aladdin joue, Nahum danse et entre dans l'espace de musique ouvert par Aladdin. Des voisins répondent à l'invitation lancée par l'accordéon. Ils se réunissent autour du musicien. Ils apportent des lampes tempêtes, du tabac roulé ou apprisé, de la bière et de l'alcool blanc. L'accordéon invente des chemins détournés dans le ventre de l'oppression. Je ne suis pas prêt, mais ce que nous ferons, toi et moi, Aladdin, je le sais. Des spectacles de danse et de mime. Ton accordéon nous orientera, nous portera. Nous inventerons cela, toi et moi, sans négliger l'histoire de maman. J'ai 19 ans. Il est temps que je parte à la recherche de notre Théo vagabonde. Fais ce que tu crois devoir faire, Nahum, tu as raison. Va à la rencontre des gens. Je veux aussi revoir le delta du fleuve et découvrir votre île aux oiseaux. Papa, je te demande de m'attendre. Pas plus de 6 ou 7 mois. Au-delà de cette date, nous ne serons plus liés par aucun contrat. Je t'attendrai. Comme j'attends Théodora. Partir seul, je ne le ferai pas. Nahum contourne les interdits liés à la circulation entre les villes, entre les provinces. Dans un sac en toile, en plus de vêtements, il emporte des cahiers et des crayons. Il descend le fleuve à bord de péniches ou de bateaux de pêche. Il arrive dans la région de Théodora et emprunte une barque pour rejoindre l'île aux oiseaux. Un matin, une jeune fille venue en barque, elle aussi, le surprend, alors qu'il invente une chorégraphie dans l'exubérance de l'instant. Je danse avec mon cœur, au rythme du chant de mon âme. Avec mon fils mort sur la poitrine, Ma danse sera un fleuve et mon cœur me contemple du ciel. Ô toi, chant de ma danse, ô toi, danse de mon chant. Nahum s'approche de la jeune fille. Il la connaît. Elle a 22 ans. Le grand-père de la jeune fille lui a proposé un matelas dans sa roulotte pendant plusieurs nuits. Que fais-tu ici, Assia? C'est ton grand-père qui t'envoie? Il veut que je parte avec toi, même si tu n'es pas des nôtres. Je suis des vôtres. Tu es blanc. Je suis des vôtres. Mon grand-père dit que si je pars avec toi, ma vie sera moins difficile. Que sait-il de ma vie? Il dit que la femme que tu recherches, Théodora, n'est pas ta mère. Théo est ma mère. Ton grand-père est un vieux fou. La guerre l'a détruit, son cerveau ne fonctionne plus. Trop de disparitions surnagent dans son cœur. Nous n'en pouvons rien. Tu ne partiras pas avec moi, Assia. J'avance, seul, sur ma route. Quelle est ta route, Nahum? La route suivie par Théodora, que j'ignore. Mon grand-père... Il veut te marier à moi parce qu'il redoute ta solitude après sa mort. Il m'en a déjà parlé. Je lui dis ce que je t'ai dit. Je vais seul. Aime un autre homme, Assia. Aime un autre homme que moi. Mon grand-père dit qu'aucun de nos hommes voudra de moi. Je ne veux plus entendre ce que dit ton grand-père. Retourne chez lui, Assia. Prends soin de lui, comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi. J'ai assez parlé pour les 10 ans à venir. Je t'ai apporté de quoi manger de la part de mon grand-père. Il dit que derrière ton silence, il a déchiffré le livre de ton âme. Je ne demande rien, Nahum. Ton corps écrit la vie du vent, et moi je danse avec mon cœur qui n'est qu'un peut-être ou un rien. Sur l'île aux oiseaux, Nahum et Assia s'aiment comme Théodora et Aladdin se sont aimés. Au crépuscule, Assia et Nahum nagent nus dans le courant imperceptible et chaud du fleuve. J'ai survécu par hasard. Seulement le hasard. Ma mère est morte de maladie. Mon père sous les coups. Mon jeune frère de faim. Des expériences médicales ont achevé mes sœurs. Jumelles et tziganes. De beaux outils pour d'ignobles recherches. Quant à moi... Une stérilisation banale, pratiquée sur une fille tzigane. J'aime nager. Si j'avais assez de résistance et de souffle, je nagerais jusqu'à la mer. Je traverserais la mer et je remonterais un autre fleuve pour en découvrir la source et pour oublier ce que la mémoire ne peut pas oublier. Pourquoi le pays a-t-il voulu nous anéantir? Pourquoi, Nahum? Le jeune homme tremble. Une douleur l'immobilise au milieu des hautes herbes. Assia laisse Nahum à ses larmes et s'enfonce doucement dans le fleuve. Nahum! Je me souviens de toi, Nahum! De tout maintenant. Toi, l'enfant blanc protégé et aimé par les tziganes. Tu te souviens de Carmen, ta petite sœur? Nahum. Tu t'en souviens, dis? De nos mots et de nos musiques transformées en fumée? des enfants sans nom, nés et morts là-bas. De la foulée tziganes entravées, pourchassées. Ils ont piétiné les violons et les guitares des tziganes parce que, selon leur ordre, nous étions des non-personnes. La terre. Notre terre aussi se souvient de nos morts. Mais elle ne dit pas la quantité d'os qu'elle a dévoré. Tu n'as pas oublié, Naomi. Mon grand-père ne voulait pas dire autre chose. Naomi, écoute-moi tel que je me montre. Nu, dans le fleuve, à te parler, à t'aimer. L'eau qui m'entoure est sans malice. L'eau va, comme mon grand-père m'a appris qu'il convient d'aller. Dans le vagabondage pacifié entre les hommes. Naomi, les rivières, la tienne et la mienne, ont regagné leur fondement. Elles cheminent de nouveau, comme de tout temps elles ont cheminé, vers les fleuves. Mon champ deviendra une rivière de vie. Une rivière qui rendra moins présent le passé. Ce passé dont nous n'aurions pas dû revenir. Je ne te demande rien, Naomi. Tu es des nôtres comme je suis des tiens. Je t'aime, Naomi. Notre île au milieu du fleuve en est le plus juste et le plus fidèle témoin. Je t'aime et je ne m'en dis rien, enfant blanc des tziganes. Entouré de joncs au bord de l'eau, Naomi a écouté Assia et il attend qu'elle le dévisage dans la lueur du désir. Pardonne-moi ce que j'ai dit au sujet de ton grand-père. Je n'en pensais pas un mot. Je ne cherchais qu'à te blesser pour te chasser. La jeune fille Assia et le jeune homme Naomi s'aiment sur cette terre apprivoisée au milieu du fleuve. Bientôt, Naomi emprunte de nouvelles routes vers le nord du pays. Naomi envoie une lettre à Aladdin et lui demande de venir le rejoindre dans une petite ville frontalière, d'où il espère pouvoir se rendre dans le pays voisin. Cher Assia. Naomi écrit aussi à Assia. Dis au revoir à ton grand-père. Si tu le peux, dis-lui que je le remercie et que je l'aime. Pour bagage, emporte son cœur brisé. Tu le chanteras pour le rendre éternel. J'ignore quelle sera notre route, loin des larmes, si cela peut exister. Naomi. Deux semaines plus tard, un passeur permet à Naomi, Assia et Aladdin d'entrer dans le pays voisin qu'ils traversent en se mêlant des groupes armés qui veulent en finir avec le régime. Aladdin, Naomi et Assia mettent au point leur premier spectacle. C'était La Théo des Fleuves de Jean-Marc Turine. Troisième épisode. Emmanuel Riva, Nita Klein, Serena Rinaldi, Martin Amic, Alexandre Steiker, Marie Bouvier, Laurent Richard, Leila Nasser, Mila Savic. Grégory Kidel, Emilien Gobard, Judith Morand, Juliette Junot. Bruitage, Bertrand Amiel. Accordéoniste, Gabriel Levasseur. Prise de son, montage, mixage. Manuel Couturier, Marie Le Peintre, assistante à la réalisation, Maya Bocquet, réalisation, Myron Merson. À demain.